confusion. Plus de poils, plus de graisse, adepte à la liposuction. Vas-y, virevolte, vas-y, danse. Cendrillon veut saisir sa chance. Mais y'a pas de prince dans ta romance. Et ta citrouille est en avance. Un bistouri dans le cœur, le fric, la gloire, mais la douceur. Tu t'en fous pas mal si elle crève, elle ne fait plus partie de tes rêves. Faut sembler aux filles des magazines, retoucher et formater. À toutes ces filles, produits d'usine, maquillées et bien coiffées. Tu n'es qu'un pantin d'accord qui ne vit que pour son corps. Et même si ton cœur est mort, tout ce qui compte c'est le décor. Tu rêvais de la vie de palace, que les gens se rappellent ton nom. Mais on l'utilise et on l'efface. Tu sers qu'à ramener du pognon. Cauchemar glauque, un peu d'enfer. Une vie faite d'espoir maudit, pleine de strass sur ton taudis. Mais pour ça t'es prête à tout, t'es prête à aller jusqu'au bout. Alors tu te livres à des ordures qui fixent leurs mots sous ta chevelure. Tu t'enfonces dans leurs draps, la première place, toi tu l'auras. T'offres ton corps à qui veut le voir, une pute de luxe sans le savoir. Mais tu peux plus faire marche arrière, les monstres ont planté leurs barrières. Alors ils te croquent et t'en es fier quand ils te ferment les paupières. Tu rêvais d'être sur scène, mais ta danse, elle est malsaine. C'est une overdose de peine, injectée direct dans tes veines. Tu n'avances qu'à reculons et tu vis le monde à l'envers. Crois-tu que nous t'adulerons sous l'éclair du réverbère? Et tu te hisses vers le fond et tu espères de travers, bercé par une illusion qu'a foutu ta vie en. T'es resté là.